Chapitre 5e, la main dryade. D'un trait, il fit le tour du cadran, et quelque chose avec, car lorsqu'il rouvrit les yeux, le jour renaissait. Nul, si ce n'est les moustiques, ne l'avait dérangé sur son lit enfeuillé et au perché. Des grenouilles coassaient en aval et en amont de la rivière. Des chauves-souris attardées rentraient chez elles en attrapant des insectes. Des félins rugissaient de loin en loin. Des quadrumanes criaient. Des nuées d'admirables oiseaux, des perroquets tapageurs sillonnaient déjà l'espace. L'air était doux, le ciel pur, le paysage d'une incomparable beauté. Tungug s'étira, écarta une branche, avança sa tête et examina ce qui se passait au-dessous de lui et aux alentours de son arbre. Le calme régnait à peu près partout. Néanmoins, avant de se risquer à descendre, notre voyageur regarda deux fois à droite et à gauche, devant et derrière, ne voulant pas être surpris quand il ne sera plus temps de battre en retraite. Rassuré par son inspection, il allait se glisser à terre quand au bord de la rivière, des formes indécises, qu'il avait prises pour des troncs d'arbres à demi enfouis dans la base, se remuèrent et allongèrent des pattes, montrèrent des mâchoires énormes, et lui apparurent comme autant de gabiales, des crocodiles de l'Inde, de 4 à 6 mètres de longueur. À cette découverte, il se raffermit sur ses branches. Les gabiales se réveillaient. Après avoir cherché du regard si quelque proie n'était pas à leur portée, ils retournèrent lentement à l'eau et y plongèrent, sauf un individu qui, moins pressé de se baigner que ses camarades, ou plus paresseux, resta à sa place, la gueule entr'ouverte. Tungug eut envie de tirer contre lui un coup de revolver qu'il ne l'aurait probablement pas atteint, vu la distance, 100 mètres environ, mais qui l'eût sans doute effrayé. La réflexion modifia son idée. D'ailleurs, il n'était pas mal dans son arbre et l'heure ne l'aiguillonnait point. Un temps assez prolongé s'écoula au milieu de la quiétude générale. Le soleil resplendissait, les insectes bourdonnaient dans l'air, les oiseaux frétillaient sur l'herbe, l'eau coulait sans fracas. Rien ne troublait la paisible solitude de ce coin de terre si délicieux à première vue. Tout à coup, l'Indien devint attentif. Un tigre, sortant d'un bouquet de bois, marchait vers la rivière en faisant craquer les feuilles mortes sous ses pas. Absorbé par des pensées, que nous ne rechercherons point, il allait aveuglément sans souci de sa sécurité, la queue basse, le corps flasque, les yeux éteints, lorsqu'à 2 pas du bord de l'eau il posa imprudemment une de ses pattes dans la gueule du gavial qu'il n'avait pas aperçu, autant à cause de son étourderie que parce que celui-ci était couvert de boue et ressemblait fort, nous l'avons dit, à un tronc d'arbre abattu. Fermer instantanément ses sinistres mâchoires, sauter dans la rivière et entraîner avec lui le carnassier ahuri, fut pour le monstre l'affaire de 3 ou 4 secondes. Mais le tigre n'était point de patte à se laisser noyer ou dévorer sans résistance. Il se débattit au fond de l'eau avec une énergie désespérée, et si bien qu'il parvint à regagner la rive où il s'accrocha, où il enfonça ses griffes, où il souffla et rugit. Le gabial le tenait toujours par la patte. Les deux redoutables bêtes demeurèrent pendant un moment à la même place, l'une tirant à U, l'autre tirant à Dia. Enfin, le gavial eut le dessus, et le tigre, arraché de la berge, s'enfonça une seconde fois dans la rivière. Tungug, qui assistait à cette lutte palpitante, croyait que tout était fini, quand le carnassier reparut à la surface de l'eau en compagnie de son bourreau, qui ne le lâchait pas et persistait à vouloir l'entraîner. Alors s'engagea un combat suprême, acharné, qui dura quelques minutes en soulevant de grosses vagues. Puis le tigre et le gavial disparurent, ne laissant au-dessus d'eux qu'une traînée de sang, et l'eau reprit sa tranquillité. Tungug frissonna sur son arbre où le premier moment de stupeur passé, il applaudit au drame et se réjouit de son dénouement. En effet, du même coup venaient de s'engloutir deux monstres également à craindre, sous les dents desquels il aurait eu 100 chances de tomber. L'événement était donc heureux. Il se préparait à en profiter pour quitter sa retraite et poursuivre sa route, quand des bruits vagues attirèrent de nouveau son attention du côté de la rivière et le retinrent dans son campement aérien. Descendu dans son refuge aquatique, le gavial y avait excité la convoitise de ses congénères qui, n'espérant pas obtenir le partage d'une proie qu'il allait faire macérer, dans le but de s'en repaître en gourmet lorsqu'elle serait marinée à point, remontaient à la surface de la rivière avec l'intention de s'y livrer à une chasse dont les résultats firent sécher de dépit l'égoïste possesseur du tigre. Le hasard les servit selon leurs désirs. À peine s'était-il échelonné le long de la rive, le corps enfoncé dans l'eau, la tête émergente des herbes, qu'une troupe de singes de la race des gibbons sortit de la forêt et s'abattit sur les arbres voisins en poussant des cris assourdissants. Les gibbons sont des acrobates arboricoles par excellence. On a dit qu'ils avaient des ailes et l'on serait presque tenté de croire qu'ils en ont quand on les voit sauter de branche en branche et franchir, avec la sûreté de l'oiseau, des espaces de 40 à 50 pieds. Leur force, leur agilité, leur donnent une assurance qui va jusqu'à la témérité et les pousse à braver, à narguer leurs ennemis implacables, même ceux qui, d'ordinaire, leur causent une terreur insurmontable mêlée de dégoût. Pour cela, il faut qu'ils soient dans les ramures, car à terre, ils sont lourds et maladroits. La bande qui se répandait en culbutant, en gambadant, en faisant sabbat, le long de la rivière, redoubla ses cris dès qu'elle aperçut les gabiales, et au lieu de s'éclipser comme la prudence le lui commandait, eut la démangeaison de s'amuser aux dépens de ceux-ci. Aussitôt, les plus hardis de la compagnie se glissent au bord de l'eau à l'aide de branches pendantes ou forment des chaînes en se tenant par les jambes pour arriver aux reptiles auxquels ils allongent tantôt un coup de pied, tantôt un coup de poing sur l'extrémité du museau. Parfois, les gaviales ferment leurs mâchoires, mais les singes ont eu la dextérité de se retirer à temps, et ce sont alors des trépignements, des cris perçants de joie qui semblent dire « Mon Dieu, sont-ils bêtes, ces amphibies ?» Les gaviales ne s'irritent pas. Ils sont même, leurs yeux l'indiquent, enchantés de ces jeux. Toutefois, leur apparente placidité n'annonce rien qui vaille. Gare au changement à vue. S'il se produit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. En véritable écervelé, les gibbons, mettant sur le compte d'une épaisse stupidité, ce qui n'est peut-être qu'un excès de ruse, s'enhardissent au point d'aller donner des chiquenaudes sur le nez des reptiles, de jeter aux uns et aux autres de l'eau, de la boue, des petites branches qu'ils cassent aux arbres, de regarder curieusement et en grimaçant l'intérieur de leurs horribles gueules. Les monstres se prêtent bonassement à ces fantaisies, à ces gamineries. Puis tout à coup, leurs mâchoires se referment en rendant un bruit sec terrifiant et ils plongent en entraînant chacun un gibbon. La farce est jouée. Épouvantée, la troupe aveugle et folle n'en demande pas davantage et elle s'enfuit plus vite qu'elle n'est venue en éclatant en hurlements et en gémissements. Mis en guetté par cette scène, et croyant que désormais il n'avait plus rien à craindre, Tungug abandonna son arbre et le sac au dos, le bâton en main, reprit sa pérégrination en regardant partout s'il ne découvrirait pas l'éléphant blanc désiré. Combien de temps devait-il marcher encore pour atteindre son but? Bouddha seul le savait. Il ne se plaignit ni de l'attente ni de la fatigue. Il savait que le bonheur et la gloire qu'il ambitionnait voulaient être laborieusement conquis. Mais était-il destiné à réussir? Pendant une semaine, il erra sans trêve, sans relâche, fouillant les forêts, les jungles, sondant les marécages, vivant de peu, ne faiblissant pas, rempli de foi, de passion et d'ardeur. Un jour, il s'arrêta dans un endroit pierreux, où il était monté pour étudier le pays et le chemin qu'il devait suivre, quand, en s'asseyant sur une roche et en posant son bâton à côté de lui, il fit involontairement naître le plus grand danger qu'il eût jusqu'alors affronté. Un serpent, long de 3 mètres, de l'espèce des amadriades, dont la couleur foncée se confondait avec le ton du terrain, qu'il n'avait pas vu et que son bâton venait de heurter, se dressait irrité à son côté. L'amadriade est un reptile aussi venimeux que le trigonocéphale d'Amérique, mais qui a de plus que celui-ci la vivacité et la faculté de courir rapidement. Farouche, irritable, il est toujours prêt à s'élancer sur qui l'attaque ou le dérange. On se soustrait si difficilement à ses atteintes que les Indiens le craignent plus que le tigre et qu'ils se gardent, par-dessus tout, de le troubler, d'attirer son attention. Tungug blêmit en se trouvant en présence de celui qui l'avait réveillé et, bouleversé, s'enfuit en proie à une terreur panique. La madriade, les yeux en feu, gonflé de rage, siffla et se mit à sa poursuite. L'Indien avait de bonnes jambes, mais l'inégalité du sol, les rochers, les pierres, les arbres qui heurtaient presque à chaque pas, entravaient sa course et permettaient au serpent de le suivre. Obligé d'éviter les broussailles, les hautes herbes, où la madriade l'aurait vite rejoint, il allait, sans direction, comme un perdu, où il voyait un espace libre, tantôt montant, tantôt descendant et toujours serré de près par le reptile dont les bonds se succédaient sans interruption. Après quelques minutes de cette fuite infernale, énervé, faiblissant, tremblant de sentir les crochets du serpent s'enfoncer dans ses chairs palpitantes, il gravit une côte escarpée au sommet de laquelle il s'arrêta. Un précipice, dont il n'avait pas soupçonné l'existence, s'ouvrait, béant, sous ses pieds. Il fallait y tomber ou faire face à l'ennemi qui s'approchait. Toute hésitation, si courte qu'elle fût, était mortelle. Tungung envisagea d'un trait sa situation, et l'instinct de la conservation l'agitant, il eut une inspiration suprême. Il se débarrassa de son sac, le jeta au reptile. Au moment où, acculé sur le bord du précipice, il ne lui restait qu'à choisir entre deux genres de mort, et brandit son couteau de chasse, résolu à tuer s'il devait être tué. Trompé par cette manœuvre, la main dryade se rua avec une fureur aveugle sur le sac, le couvrit de morsures, le troua, le déchirant, croyant mort dans l'Indien, le serra dans les anneaux de son corps noir et le couvrit de sa bave. Il y plongeait une dernière fois ses dents aiguës lorsqu'une détonation, accompagnée d'un nuage blanchâtre de fumée, retentit et lança en l'air, en mille morceaux, serpent et sac. En assouvissant sa rage sur l'objet inanimé que l'Indien venait de lui jeter si à propos, la main dryade avait enfoncé ses crochets dans le paquet de cartouches à fulminate renfermé dans le sac. Une cartouche s'était enflammée et tout le reste avait éclaté comme un feu de peloton. Tungung éprouva une commotion qui faillit le précipiter dans l'abîme. Heureusement, le saut involontaire qu'il fit le porta de côté au lieu de le lancer en arrière. Quand le nuage de fumée de la poudre se dissipa, il était debout, à deux pas de l'accident, étourdi, essoufflé et perdant son sang par plusieurs blessures au bras, au cou, à la poitrine, aux jambes. Grâce au ciel, ses blessures, produites par des éclats de bois ou des fragments de cuir, étaient légères, et il pouvait s'en consoler en songeant à l'horrible fin à laquelle il échappait. La destruction de son bagage de route était autrement cuisante pour lui, car il ne possédait plus que son couteau de chasse et son revolver chargé de ses six coups. Mais comme de deux mots inéluctables, il est sage d'accepter le mal moindre, il se résigna et redescendit la côte pour chercher une source, un ruisseau, où il put laver ses blessures et les pansées. Ce n'est que vers le soir qu'il découvrit une rivière où il se rafraîchit et près de laquelle il se percha dans un arbre dont il disputa la possession à une compagnie de perroquets. Il dormit sous cet arbre en dépit des moustiques qui le livrèrent des assauts et l'auraient mis à mal s'il n'avait eu la précaution de s'envelopper les bras, les jambes, le cou de larges feuilles et de préserver ainsi ses blessures qui s'étaient envenimées pendant la journée. Le lendemain, il fut pris d'une fièvre violente et dut rester couché. Il se fabriqua une espèce de hamac dans la ramure, avec des branches flexibles, et s'en servit de son mieux. Les environs étaient infestés de tigres, de chats-tigres, de léopards, qui passèrent au-dessous de lui toute la journée. Il ne bougea pas, ne donna pas signe de vie, et eut la fortune de rester invisible. À la nuit tombante, il était d'une faiblesse extrême, et la soif le dévorait. N'y pouvant plus tenir, il se traîna jusqu'à la rivière où il but. Mais lorsqu'il voulut remonter sur son arbre, ses forces le trahirent et il dut se choisir un autre refuge. Il ne se dissimulait pas les dangers qu'il courait en demeurant à terre, car si la contrée était pleine de carnassiers le jour, elle devait en regorger la nuit. « À la grâce de Bouddha » souffla-t-il en se glissant sous des feuilles sèches et des détritus de fruits à l'entrée d'un fourré. Là, enfoui comme un bousier dans son nid de fumier, il se pelotonna, tout frissonnant, et tâcha de dormir. La fièvre est une maladie mortelle dans la péninsule indo-chinoise. Les miasmes putrides qui s'élèvent des marais, des terrains inondés, et que le soleil chauffe sans cesse, y rendent beaucoup de provinces aussi dangereuses que si tous les reptiles venimeux et tous les carnassiers de l'Asie y étaient rassemblés. Dans le Laos, la fièvre est une barrière tellement redoutable qu'elle suffit aux Laotiens contre leurs ennemis durant la saison des pluies. Alors, c'est par centaines que les voyageurs, gens et bêtes de somme, sont fauchés chaque jour par le fléau contre lequel, il est vrai, nul ne se garde, ne se défend. Il était naturel que Tungung eût été frappé. La vie accidentée qu'il menait devait le livrer pieds et poings liés à la fièvre, et c'est en prévision de cela que son maître, M. Manonvillé, avait mis des paquets de quinine dans son sac. Malheureusement, la quinine était partie avec le reste du bagage dans l'explosion des cartouches, et le pauvre amoureux de la princesse Ma, l'infortuné chercheur d'éléphants blancs, privé de tout secours sous son amas de feuilles pourries, n'avait plus en perspective qu'une agonie misérable. La nature sur laquelle il est imprudent de compter absolument, mais qui agit parfois de façon à confondre les plus doctes, la nature parut le prendre en pitié et s'intéresser à son sort. La chaleur, la fermentation transformèrent son étrange lit en étuve. Une sueur abondante le couvrit des pieds à la tête. Il eut le délire, tomba dans un assoupissement comateux et perdit tout sentiment. Quand au bout de 24 heures il rouvrit les yeux, le crépuscule du soir argentait la rivière, la brise soufflait douce, et à quelques pas de lui, un léopard en arrêt regardait, intrigué, le haut de sa tête qui sortait du tas de feuilles, en ayant l'air de se demander quel genre de bête c'était. Il poussa un cri étranglé, comme s'il eût été oppressé par un cauchemar, et fit un mouvement qui produisit sur le carnassier l'effet d'une secousse électrique. L'homme et l'animal se toisèrent. L'homme, ranimé par l'imminence du péril, chercha d'une main tremblante son revolver et se prépara à s'en servir. Persuadé qu'il avait affaire à un individu comestible, le léopard flaira, grimaça, grogna, et le poil hérissé, l'œil étincelant, s'avança d'une encolure en se pourléchant par avance les babines. Sa férocité, ses appétits sanguinaires, allaient éclater lorsque Tungug, dont le cœur battait violemment, fit un effort, l'ajusta, tira, et instantanément devint livide en pensant « Je suis perdu. Le coup avait raté. » Provoqué par le mouvement de sa proie, par le son mat du chien du revolver, le félin grinça des dents, éleva sa patte aux ongles acérés. 2 secondes de plus et c'en était fait. Ces secondes ne s'écoulèrent pas. Stimulé par le danger, l'Indien brandit d'un pas nerveux son couteau de chasse, le plongea dans la gueule ouverte du carnassier et en même temps pressa la détente de son revolver qui cette fois partit. Puis il ne vit, ne sentit plus rien et sa tête retomba inerte sur le sol. Il faisait grand clair de lune quand il reprit ses sens. Tout était silencieux. Le léopard gisait, rigide, les jambes crispées, ayant dans la gorge le couteau de chasse et dans les poumons la balle du revolver. Quant à notre héros, il n'avait reçu qu'un coup de griffe superficiel à l'épaule. C'était miracle qu'il n'eût pas été gorgé, déchiré, mis en pièces. Et non seulement il se retrouvait à peu près intact lorsqu'il avait cru sa dernière minute sonner, mais la nouvelle et effrayante révolution dont il sortait l'avait quasi guéri de la fièvre. Ne pouvant rester auprès du cadavre du carnassier, il quitta sa retraite feuillue et rampa vers la rivière pour s'y désaltérer et s'y laver. La nuit s'achevait. Les félins regagnaient leur tanière, les oiseaux de proie leur trou. La campagne, sortant de son engourdissement nocturne, se réveillait fraîche, éclatante. Tungug s'arma de résolution, se remit en marche et rentra sous bois en se disant « Bouddha m'a tiré jusqu'à présent des plus affreuses passes. Consentira-t-il à me rendre heureux comme un saint en me faisant rencontrer le seigneur éléphant blanc à l'aide duquel j'épouserai la princesse Ma ?»